Parce qu'on veut tous se faire justice comme Marianne Brackmeyer. Yeah. Parce qu'on veut tous se faire justice comme Marianne Brackmeyer. Adoucir les jours tristes comme le Brad Beckenbauer. Ouais, la vie n'a pas de notice, des brouillardises comme Jack Bauer. J'ai power dans le moteur comme le frangin exhaleur. Dirigé par des sacs à merde depuis des bacs à sable. T'étonne pas, ça roule à l'air, mais prends ton rap en donkey style. Dur à digérer quand je vois leur égérie. Je me sens trahi comme des darons en Algérie. Comme Salvatorina, je suis un fantôme. La grinta dans les atomes, marié à la Rimia. Je vous laisse le trône, moi je garde le crône. Dans ce milieu de clowns, c'est tous des founes, ça joue les shows. Cocaïne dans le zen, c'est tous les fils de Pablito. Tant qu'ils nous verront comme des parias, j'irai parier au PME en bas de chez moi, où les chicots sont carriés. Là où l'espoir a mis les voiles comme Carcezon. Vu que ce pays bannit les voiles plutôt que les viols de petits garçons. Hey, tu croyais quoi ici, les ventes sont creux. On t'aurait dit 6-3 fois que tu nous pardonnes s'il peut. Wesh, tu voulais quoi frère, du temps j'en ai peu. Que pour la fafa le reste c'est comme un jour quand il pleut. Hey, tu croyais quoi ici, les ventes sont creux. On t'aurait dit 6-3 fois que tu nous pardonnes s'il peut. Wesh, tu voulais quoi frère, du temps j'en ai peu. Que pour la fafa le reste c'est comme un jour quand il pleut. Ça tourne pas rond et ça dérange personne. Les darons pètent les plombs et dehors là une klaxonne. A chaque coin de rue tout le monde est tendu, prêt à t'enclencher. Faut esquiver les putes et les vendus, ça peut coûter cher. J'ai confiance quand on mange comme Tony Montana. À l'heure où les silences prennent de plus en plus de poids. J'fournis le produit sur BPM, ça vient de l'abdomen. Là où le mal domine un peu comme un Bethléem. Éveiller les consciences même si c'est peine perdue. Que des concours de circonstances ont fait de nous des anges déchus. Roule un stick de bœuf, j'oublie j'fais de la peine à ma meuf. Quand j'suis au keuf, de la peine à ma mère quand j'fais semblant mais que c'est viteuf. Lâche des mots au pagaille, ma plume se fait un sang d'encre. Un ancien crank aujourd'hui mon travail et peut-être demain on rentre. Il veut juste nous mettre de lourdes peines. J'crois que fais pas appel, c'est que le baveux départ tout juste d'Israël. Hey, tu croyais quoi ici, les ventes sont creux. On t'aurait dit 6-3 fois que tu nous pardonnes s'il peut. Wesh, tu voulais quoi frère, du temps j'en ai peu. Que pour la fafa le reste c'est comme un jour quand il pleut. Hey, tu croyais quoi ici, les ventes sont creux. On t'aurait dit 6-3 fois que tu nous pardonnes s'il peut. Wesh, tu voulais quoi frère, du temps j'en ai peu. Que pour la fafa le reste c'est comme un jour quand il pleut.